Moi, je la vois pas encore. C'est commencé! Oh my god, j'ai vraiment de la rebête en plus, je suis comme... Par le dieu. Salut Jupiter Goon! Salut The Donut! Salut tout le monde qui sont là! Yep! On est content de vous voir. Check out, c'est écrit sujet. Comme le sujet est prêt, let's go. Salut, T-Max. Yes. Est-ce que tu m'entends maintenant? Ok. Dans le fond, on a commencé le chat, puis j'avais switché les micros. Ah! Puis c'était juste moi qu'on entendait? Oui! C'était merveilleux! Bon, c'est parfait! Donc, on va commencer. Mm-hmm. Voilà, donc, comme à l'habitude, au podcast, on débute toujours en parlant du jeu de la semaine. Le jeu qu'on a joué, ben dans le fond, le jeu qu'on a joué le mois passé. Donc, voilà, ouais, il y a pas mal de monde dans le chat, c'est drôle. OK. Donc, c'est ça, est-ce que tu veux commencer? Oui, ben dans le fond, moi, les deux, ben j'ai joué à deux jeux cette semaine. Les deux jeux que j'ai joués sont le DLC de Layer of Fear qui vient de sortir récemment. Puis, salut Tony Bell-Org. Puis, le deuxième jeu que j'ai joué est Case Animatronics. C'est comme un jeu vraiment qui est comme à Five Nights at Freddy's, mais à la première personne, où est-ce que notre personnage se déplace, se promène, puis il faut essayer de survivre. C'est assez troublant. Je l'ai fait... Tu sais comment j'aime les jeux d'horreur? Normalement, je les adore, OK? Puis, ouais. Je me suis fait rembourser après 5 minutes. Oh my God! J'étais pas capable. C'est le mois des remboursements! Hey, petit merci à Madame Zoom pour le host! Ok, Madame Zoom qui est contente d'être la meilleure modo dans la place. Hey, merci Madame Zoom qui vient de me dire que j'ai un beau make-up. Donc, ok. Donc toi, voilà. C'est quoi les jeux que t'as joué cette semaine? Moi, dans le fond, j'ai joué à Uncharted 4! Nice! Je l'ai terminé également, puis c'était mon premier Uncharted à vie. J'avais jamais joué à ça de ma vie, puis je capotais, puis j'ai adoré ça. Je suis une très grande fan des Lara Croft, ben, en tout cas ce genre de jeu-là, donc Uncharted ne m'a pas déçue. J'ai été vraiment contente. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et puis c'est ça. J'ai également fait... OK. J'ai également joué le premier épisode de Batman... de Telltale série, là. Dans le fond, quand on le cherche, généralement, il s'appelle comme juste Batman, là, mais c'est ça. Donc, c'était mon premier Telltale également à vie. Moi, je l'ai pris sur Steam et je me suis fait rembourser! Sérieux? Puis tu l'as fini? Non. Qui t'a changé? Ben, moi, je l'ai acheté sur Steam. Il était téléchargé. J'ai débuté mon stream avec ça et ça m'a pris quelque chose. J'avais 2 heures de jouer, mais ça m'a pris comme 45 minutes juste faire mon setup pour être capable d'y jouer. Je devais jouer dans une petite boîte dans mon écran. C'était dégueulasse. Puis, wow. Moi, je jouais avec manette. Puis, les contrôles de manette et de clavier alternaient. Ce qui a fait en sorte que j'ai rage quit, j'ai pété une coche, j'ai fait une crise, j'ai fait une folle de moi-même en fait. Puis c'est ça, puis là j'ai décidé que là ça avait pas de bon sens. J'ai demandé un remboursement que j'ai eu dans même pas une heure. Ça a été rapide. Oui, vraiment. Puis j'ai été lâchée sur PlayStation 4 à ce moment-là. J'ai eu absolument aucun problème. Les gens vont trouver qu'il est un petit peu mal optimisé, whatever. Mais écoute, moi si t'as pas de bug de progression comme j'ai eu avec Steam, j'ai aucun problème. Donc, voilà. Ah, puis je tiens à préciser également, Base 50, le streamer, il n'y a eu aucun problème sur Steam. Donc, moi, je suis sous Windows 10, puis quand j'ouvrais le jeu avec Steam, il me demandait si j'étais sous Windows 8 ou Windows 7. Donc, c'est peut-être de ma faute à cause de ça, là, parce qu'il n'était pas fait pour Windows 10, je sais pas. Tu sais, je suis pas en train de dire que Steam, c'est pas bon. Tu sais, je fais juste dire, dans mon cas, ça marche pas. Puis, de Donut qui dit qu'il devrait faire un Superman Telltale. Ça, je suis d'accord. Aussi, juste rapidement, je sais que le titre en haut, on dirait qu'il n'a pas été changé. Ça n'a pas confirmé. C'est encore écrit le 3 août. Podcast numéro 3. Oh my God! Je change cette date, merci. Je suis comme ça pour les enregistrements, là, pis tout, là. Ben oui. Je vais arranger ça immédiatement. Voilà. C'est fait. Ça, c'est confirmé. On a changé la date. J'avais une petite question, moi, à propos d'Uncharted. Tu disais que tu n'avais pas fait les premiers. Est-ce que ça l'a dérangé à l'histoire? Ben, c'est sûr que moi, j'ai regardé un de mes amis qui a joué pas mal au précédent, mais pas full pin, là, mais c'est ça, puis moi, je trouve que non, en fait. Okay. Ça m'a pas dérangé du tout. Je trouve que c'est vraiment bien construit. Il y a des jeux que, clairement, je me suis rendu compte que j'ai manqué de l'histoire. Lara Croft, moi, j'ai fait Rise of the Tomb Raider avant Lara Croft. Okay. Tomb Raider ordinaire, et parce que partout les critiques, c'est IGN et tout, ils disaient qu'il n'y avait aucun problème, que c'était des stand-alone, mais moi par exemple j'ai trouvé que ma qualité de jeu a été diminuée à cause de ça, parce que dans le fond, il y a des affaires que je comprenais pas. Puis pourtant, Lara Croft, ça fait longtemps, là. J'ai vu des let's play, j'ai vu plein de trucs, puis il y a des trucs que j'avais pas bien saisi, fait que ça j'aurais préféré avoir joué au précédent. Sinon, Uncharted, j'ai pas du tout eu aucun problème avec ça, là. OK. Fait qu'au moins, ça l'a pas empêché ta jouabilité pis tout, fait que ça, c'est un plus pour les nouvelles personnes qui commencent à connaître la série, là. Ouais, parce que moi, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que je suis super contente, j'ai le goût d'y jouer, puis je vais me procurer le Nathan Drake Collection. Donc, voilà. Hey, Mafia Gaming, merci pour le follow. Et n'oublie pas d'aller follower également la chaîne de Anbi Gaming. Et Anbi Gaming, sinon, tu vas la voir dans le chat, là, ça passe en petite annonce. Je le connais. Ouais. Ah, c'est justement pendant qu'on le dit, Wisebot le dit. Donc, hey, Jovi9, merci pour le host. C'est super apprécié. Et merci aux 11 personnes qui sont là. Yes. Ouais. Donc, aujourd'hui, comment ça va fonctionner, c'est qu'on va commencer par parler avec les nouveautés qui vont sortir, les jeux du mois. On a fait une liste à peu près de ce qui était, ben, dans le fond, Katlis a fait la liste des jeux qui étaient qui vont sortir en août, dans le fond, les plus populaires, ceux-là qu'on a vus. Puis, on a décidé de parler de certains d'entre eux, ceux-là qui nous intéressaient le plus ces jours-ci. Là. Donc, toi, Kat, c'est lequel qui t'intéressait le plus pour ce mois-ci? Ben, moi, c'est... dans le fond, c'est... ben, qui m'intéresse pas pour y jouer, mais qui m'intéresse pour le regarder sur Twitch pas mal, c'est Legion, la nouvelle expansion de World of Warcraft. OK. Plusieurs streamers sont présentement en train de construire des guilds pour justement, là, pour comme fêter l'arrivée de ça, plusieurs décident de se remettre à jouer à World of Warcraft. C'est vrai. Donc, moi, j'ai joué un petit 6 mois, puis c'est un jeu que je joue jamais toute seule. Je joue uniquement si j'ai des gens avec qui jouer. Donc, okay. C'est sûr, puis là, le prix me fait hésiter un peu, mais c'est à voir. Peut-être que je vais me laisser tenter, mais j'aime beaucoup, beaucoup l'histoire de World of Warcraft, ben de Warcraft en général. Donc, mais qu'est-ce qui me déçoit, c'est le prix qui est cher demandé. C'est combien? Ben, moi, par exemple, c'est ça, là. Là, il y a eu c'est 14,99 américains par mois. Moi, okay. Quand je jouais, ça m'arrivait, à cause du taux de conversion, ça m'arrivait que j'ai payé 22 $ jusqu'à 32 $ pour un mois. Ça, c'est en plus d'avoir payé pour ton jeu de base et toutes les expansions. Parce que là, quand tu joues, naturellement, tu joues avec des gens qui jouent depuis des années, qui ont les expansions l'une après l'autre. Donc, à ce moment-là, tu sais, quand t'achètes juste le jeu de base, t'es pas mal solitaire. Ouais, j'imagine. C'est quoi? Parce que moi, j'ai joué, mais pas tellement. J'étais au cégep, puis j'avais essayé avec mon Undead dans la Horde. Ouais. Mais j'ai comme pas eu le temps de voir vraiment qu'est-ce qui se passait du côté des expansions et tout. Tu dis que c'est vraiment... Il y a pas beaucoup de gens qui jouent seulement au jeu de base. Mais si, admettons, ton ami est dans l'expansion, c'est quoi? Est-ce que c'est certaines parties de la map ou est-ce que ça touche des métiers? Est-ce que c'est quoi environ les différences? Ouais, ben c'est ça. Ça touche des classes beaucoup. Puis ça touche aussi des parties de la map. Dans le fond, on va pas avoir la même map. Mais ça dérange pas. Moi, j'ai déjà joué avec des gens là, dans ma guilde là, qui avaient que le jeu de base. Puis okay. Ça faisait juste « Ah, ben ça, je peux pas y aller. » Parce que dans le fond... toi, tu joues le jeu, tu fais les quêtes, et puis quand tu as terminé de faire les quêtes de ton expansion, tu as les quêtes de l'expansion suivante qui s'enligne, qui débute. Okay. Donc, chaque expansion, dans le fond, t'amène 100 niveaux de plus à acquérir, souvent avec une nouvelle race ou un nouveau métier. Donc, si tu as la base, il y a un certain niveau que tu peux pas dépasser. Ah oui, c'est ça. Là, comme okay. Moi, présentement... mon niveau maximum est 90, puis maintenant c'est rendu 100 ou 120, okay. Je suis pas certaine. Donc il y a quand même quelques niveaux de plus qui viennent avec au moins qui te permettent de le faire si tu as l'expansion. Ouais, c'est ça. OK. Cool. Donc, Sinon, est-ce qu'il y avait un autre jeu ou toi c'était celui-là ton jeu du mois? Ouais, ben c'est pas mal ça pour mon jeu du mois parce que dans le fond ce mois-ci c'est des jeux que je connaissais, ben, qui sont pas trop dans ma ligne d'éditorial de jeu, si on veut, comme Escape from Tarkov, ça, je connais pas ça, Metroid Prime, qui sort le 19 Metroid. Non plus, ouais. C'est deux. Oh, Chubanish, merci pour le follow, je t'invite également à suivre Anbi, si ce n'est pas déjà fait, mais ouais, hein, je pense qu'il vient de cacher. Bon, fait que... Hey, bonjour, Névrose! Ici, Wara, oui, en effet, on parlait de World of Warcraft. Ouais. Sinon... Puis sinon, ben c'est ça, tu sais, il y a le nouveau Deus Ex, le 23. Je connais la franchise de nom, personnellement, mais c'est tout. Ensuite, Assetto Corsa, je connais pas ça. Puis c'est ça. Puis des jeux de sport, là, F1, puis Madden, là. C'est pas ton trip. Non, c'est ça. C'est pas dans mes. C'est pas dans mes types de jeux, malheureusement. On dirait l'été, c'est pas ça, là. Mais moi, ce mois-ci, justement, il y en a deux qui m'intéressent. Le premier, c'est le nouveau jeu de Attack on Titan, Wings of Freedom. Je sais pas parmi vous dans le chat, est-ce qu'il y en a qui ont écouté l'anime de Attack on Titan? Alors, à ce temps-là, je vais vous expliquer rapidement. Il y a une petite vidéo qu'on pourrait montrer aussi rapidement, là, pendant que vous nous répondez, justement, du jeu. Pour ceux qui sont pas au courant de ce que c'est, est-ce que je peux parler en même temps que la vidéo ou... Non, je pense pas. On va laisser la vidéo pendant que je pose la question. Qui l'a écouté? Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que vous attendez le jeu? On vous montre la vidéo. Peggy 18. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, en gros, c'est quoi l'histoire? C'est qu'il y a des titans qui ont envahi la ville. Il y a trois murs qui sont comme des cercles, c'est comme concentriques d'une cinquantaine de mètres de haut, qui sont vraiment distants d'une centaine de kilomètres, qui font en sorte que les titans prennent un certain temps avant d'atteindre le milieu. Ça leur donne le temps de rebuilder les murs, etc. Puis les titans, je peux vous dire, hein, sont comme 60 mètres, là, sont huge, c'est pas des petits titans. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que je veux pas vous spoiler parce que je sais pas qui a vu l'anime, etc. Mais je pense que t'es encore mieux que te laisse ce qu'ils disent. Ben non, je parle pas, c'est toi qui parles. Bon ben, ils sont mêlés. Mais c'est ça, puis qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là, c'est qu'on doit essayer de nous rapprocher des titans avec les super... c'est comme des... c'est pas des machines, mais c'est comme des grappins. Où est-ce qu'on s'accroche au plus haut possible pour essayer d'aller couper derrière la tête du titan, etc. Donc, j'ai hâte de voir le jeu si ça va être vraiment intéressant. Pour l'instant, je peux vous dire que ça a été vraiment populaire au Japon. Il est déjà sorti là-bas, puis ils ont donné 34 sur 10. Il y a eu des notes de 8 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10. J'ai hâte de voir justement ici qu'est-ce qu'on va donner comme note ou si c'est... Donc vraiment, ça va être bon, mais j'ai hâte de voir. Super. Mon deuxième jeu aussi, hein. Le deuxième jeu que j'avais hâte de voir, c'est Darkest Dungeon. Ça aussi, c'est un jeu qui était déjà sorti par le passé sur PC. Moi, je l'ai déjà testé parce que je l'avais acheté. C'est un jeu justement que vous pouvez voir, tu pourrais montrer la première image, celle du donjon. OK. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que vous êtes des aventuriers qui devez explorer des donjons. Il faut leader la bande de... dans un donjon, justement, qui défile à l'écran. C'est très important de faire attention à leur vie, faire attention à leur état mental, etc. Parce que si on ne fait pas attention à nos personnages, si, admettons, on oublie d'ouvrir une lumière avec des torches et on n'utilise pas assez, notre personnage décline en tant que santé mentale. Et là, il faut les envoyer, par exemple, en ville. Où est-ce qu'ils doivent, je sais pas moi, dans un bar, on peut monter leur vie. My God, t'arrêtes pas de faire flasher les images. Ben là, je m'amuse, là. Ben, je vois ça. Justement, en ville ou même dans des églises, peu importe, pour soit les healer, soit, comme je vous dis, quand leur état de santé mentale décline, ils peuvent avoir des maladies mentales aussi, comme par exemple, il y en a certains qui vont penser qu'ils sont meilleurs que d'autres. Ton personnage va décider d'attaquer par lui-même. Il y en a qui vont voir des personnages invisibles, qui vont décider d'attaquer des personnages invisibles, mais que finalement, ça va être un de tes personnages. Donc, c'est vraiment intéressant, sachant que j'ai rarement vu des jeux qui s'attardent autant à plusieurs points comme ça. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que c'est jamais pareil pour personne, parce que les donjons sont différents, nos personnages sont différents, leurs réactions, tout dépendant comment qu'on les a joués et tout. Moi, j'aime beaucoup ça, parce qu'en plus, avec ça, il y a beaucoup d'upgrades. Par exemple, on peut même avoir du camping skills, parce que des fois, il faut qu'ils réussissent à aller se reposer, se faire de la nourriture et tout, parce que des fois, les donjons sont vraiment grands. Mais ça, c'est un des jeux que j'ai hâte de voir pour... je suis curieuse du contrôle face... justement à la console parce que je l'ai seulement vu à l'ordinateur. Donc, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. Super. Ouais, c'est ça. Tu m'as dit, j'ai dit, pas fin, tu deviens fou. Tu survis pas, ouais. OK? Non, c'est vraiment nice, tu banish. Puis, mais dans le fond, là, il vient de sortir sur, sur console. Il est déjà sur PC, puis je sais pas c'est quand la date, là, mais il va sortir sur console ce mois-ci s'il l'est pas déjà. OK, mais sur PC, ça fait des années qu'il est sorti, non? Ben, je dirais un an, là, pas plus, parce qu'il était déjà en bêta l'hiver passé. Ah, oh, OK, OK, ben, bon, c'est pas moi. Pas cet hiver-là, mais l'autre, là. Ouais, OK, bah ben, c'est... un petit bout, là. OK, ben c'est moi qui t'ai mêlée de base, je suis désolée, Il n'y a pas de problème! Puis, sinon, OK, fait que là, on est rendu à notre critique de la soirée où t'avais encore quelque chose à dire? Non, moi j'avais déjà tout fini ça, puis on était rendu au contenu, là, de ce que t'avais, comme toi par exemple, tu parlais de Suicide Squad, est-ce qu'il y en a dans le chat qui l'ont écouté? Ouais! Ben... Ah, oh, OK, je comprends. Mmh. Ouais, ben, dans le fond, moi je proposerais qu'on regarde la bande-annonce. Si, je suppose... Ben, dans le fond, c'est sûr et certain que tout le monde l'a vu, la bande-annonce. Merci, ouais. Zevrose, pour le host. Puis, dans le fond, je suis sûre que tout le monde l'a vu, la bande-annonce, mais elle est tellement le fun, elle est tellement de la belle musique. On va se faire flaguer sur YouTube, mais c'est pas grave. Puis, dans le fond, c'est ça, fait qu'on va le... On va passer ça, cette bande-annonce-là. Is this the real life? Chérie, laisse-moi sortir, s'il te plaît. Laisse-moi sortir d'ici! Is this just fantasy? Encore! Caught in a landslide. No escape from reality. Non! Je veux réunir les individus les plus dangereux dans une unité d'intervention. Ce sont bien des méchants. Les pires racailles qui soient. Ouvrez les grilles! C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Salut les mecs! Deadshot, un type qui flingue des gens. Lui, c'est un croco. Il bouffe les gens. Lui, il brûle les gens. Vous êtes possédé par une sorcière. Et elle, elle est juste folle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois tuer tout le monde et m'enfuir? Désolée. C'est vrai. Mais non, je rigole. Elles ont pas vraiment dit ça. C'est ça ou rien. Vous devez aller dans un endroit épouvantable. Wow! Pour une mission suicide. Allons sauver la planète. J'ai trop hâte de te montrer mes jouets. Si on faisait un truc marrant. Sérieusement, il y a une case qui vous manque, quoi? On est des méchants! On n'y peut rien, nous! Nous voilà! Donc, voilà, fait que moi, je suis allée voir Suicide Squad au cinéma. Mm-hmm. Avec une amie, là, à sa sortie, dans le fond, jeudi passé. Oh, ça va faire déjà une semaine. Puis moi, j'ai adoré ça. J'avais mis des photos sur Facebook. Je me suis acheté le kit, là, les deux énormes verres avec la grosse chaudière de popcorn. J'ai adoré ça. Le visuel, moi, je le trouve super beau. Et puis, j'ai adoré... Ben, moi, j'ai été voir le film en français parce que, dans le fond, dans ma région, on a juste un cinéma francophone. Et puis, ça me... c'est sûr que personnellement, j'aurais préféré en anglais, mais j'ai trouvé ça quand même pas si pire. J'ai trouvé ça bien. Puis j'ai adoré, adoré l'histoire. Par exemple, il y a une petite note. Le début du film commence que c'est la fin de Batman vs Superman. Dans le fond, moi, j'avais pas vu le film. Et puis, j'avais pas vu Batman vs Superman, je veux dire. Puis, dans le fond, le début de Suicide Squad m'a tout spoilé le film au complet. Dans ouais, c'est sûr. Fait que là, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. J'aurais aimé ça que ça soit comme dit. Là, je pense que les critiques étaient trop occupées à dire que c'était mauvais pour dire aux gens « Hey, dude, va voir Batman vs Superman avant, tu sais. » Ben, c'est comme là, Simon, présentement, il dit justement, Rotten Tomatoes, ils ont donné 26%. Sauf que si on regarde ce que les gens qui ont été voir le film ont donné, c'est beaucoup plus haut que ça. Oui, je trouve oui. La critique, selon ce que la moyenne des gens disent, c'est tellement pas la même chose. Mais il faut dire qu'ils critiquent pas non plus les mêmes choses, là. Non, c'est ça. Ben, moi, j'ai un de mes amis qui fait de la critique de cinéma également. C'est son métier. Il travaille pour CTV. Puis lui, il a adoré le film également. Puis il est fâché, justement, après les... Parce que c'est tous des gens d'industrie que, bizarrement, c'est bizarre, ils donnent toutes la même note. Fait que gros, des gens qui spéculent à savoir que c'est juste cool à la mode de dire que Suicide Squad est mauvais. Ben, tous les films de DC ont eu, ben pas tous, mais une grande majorité ont souvent eu des moins bonnes notes que Marvel. Ouais, ben c'est ça. T'sais, ça a toujours été ça. Moi, je vois pas en quoi... La trame narrative est super bien construite. Les personnages sont très bien exploités. Moi, je suis quand même une fan de la franchise, là, puis j'ai retrouvé mes personnages qui étaient fidèles aux comics. Puis il y a des choses qui sont différentes. T'sais, vous dites, si mettons, on regarde Harley, Queen, puis ça. Mais c'est expliqué dans le film. En tout cas, il y a des clins d'œil qui sont bien faits, qui sont expliqués dans le film. Les choix de musique sont juste super, l'action aussi. Moi, qu'est-ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas un abus des effets spéciaux là, du CGI, comme par exemple là, le croco là, je sais pas le nom en français là. Il a été choisi, on choisit ce vilain-là comparé à d'autres parce qu'il était capable de le faire juste avec du maquillage pour éviter les effets spéciaux pour rien là. T'sais, pour éviter d'avoir des films en jeu vidéo si on veut. C'est difficile aussi d'en parler sans donner des spoilers, sans gâcher le film ou gâcher l'histoire. Moi, je trouve que ce film-là, il y a beaucoup de substance. Puis, c'est ça. Puis aussi, ben, comme on a dit, là, il y a vraiment un... Je pense qu'il y a vraiment on va dire une campagne de salissage là, ou une espèce de snobisme à dire genre que Suicide Squad, c'est mauvais, là. Tu sais, je veux dire, Will Smith, il est juste super dans le film. Les acteurs, tu sais, sont juste... Il y a une affaire que je trouve niaiseux, qui est en français et en anglais, c'est le Joker de Jared Leto. Tout le monde capote. Puis, ouais, il manque beaucoup de parties, il paraît, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il paraîtrait qu'il manquait des grosses parties, justement, du Joker qui ont été filmées qui n'ont pas apparu dans le film. Ouais, parce que qu'est-ce qui arrive, dans le fond, c'est que le Joker, c'est un personnage à part. Il fait pas partie de la Suicide Squad. Il est à part. Fait que on a son histoire en parallèle un peu. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde capote sur lui, puis moi, c'est lui qui m'a pas le plus impressionné, justement. Moi, Zombie Boy m'a plus impressionné que le Joker. Sérieux? Oui, vraiment. Puis, le Joker, qu'est-ce que j'ai trouvé? Moi qu'est-ce qui m'a achalé avec? Mais genre, on s'en fout, là, tu sais, je dis pas, je vais pas enlever des points au film pour ça. Mais c'est que, je sais pas si c'était voulu ou non, mais connaissant Jared Leto, sa façon de travailler, je pense que c'était voulu. Okay. Il parle d'une façon bizarre. On dirait qu'il y a des patates chaudes dans la bouche quand mais il parle. Mais c'est la traduction française que tu as non. Vu? Non, je suis allée voir sur YouTube en anglais, là. Il parle de la même façon. Sérieux? Puis, même oui, en anglais? Oui. En français, c'est pire, mais en français, c'est pire. C'est sûr, j'ai vu le film au complet. Sur YouTube, j'ai vu des extraits. Okay. Mais en français, l'acteur, tu vois qu'il a vraiment utilisé ça puis qu'il l'a reproduit en français également. Je sais pas si c'était pas voulu à cause qu'il y a des... il y a comme des dentiers en or, là, par-dessus ses dents. Je sais pas si c'était ça, mais ça m'étonnerait parce que c'est un acteur qui est comme tellement fou dans ses rôles que s'il n'avait pas voulu avoir ce défaut de langage-là, il l'aurait travaillé pour l'enlever, c'est sûr. Mais ouais. Moi, j'ai trouvé que ça le rendait loufoque un peu parce que moi, ce que j'aimais... Est-ce que tu veux dire plus non crédible ou vraiment loufoque? ben loufoque là, dans le sens, il tu sais, d'habitude le Joker là, il fait peur tellement qu'il est fou. Puis là, ben il parle d'une fa... tu sais, c'est comme quelqu'un qui zozote. Ouais, c'était Galen comme... Garde, merci pour le follow! Je comprends. Bienvenue à la chaîne! Moi, ce qui m'a turn off, je l'ai pas encore écouté, mais de ce que j'ai vu des critiques, puis tu vas pouvoir me confirmer, puis les gens aussi dans le chat le disent, on dirait que dans le film, ils ont fait en sorte que ce soit l'inverse, que ce soit Harley Quinn qui rend le Joker fou, justement, tu sais, presque, c'est lui qui est en amour avec elle et tout, mais normalement, le personnage de Harley Quinn est représenté comme une fille qui a le syndrome du Stockholm, parce qu'elle est pas niaiseuse, la fille, là, elle est psy, pis ça, puis on dirait qu'ils ont fait en sorte de l'utiliser pas à la bonne façon que le comic, je dirais. Je sais pas si toi, tu pourrais me dire dans, que t'en dans penses, le ça? Film, dans ouais. le film, quand je parlais là, du Joker qu'on a son histoire en parallèle un petit peu, mm-hmm. Dans le fond, l'histoire en parallèle du Joker, c'est comment est-ce que le Joker a rendu fou Harley Quinn. OK. C'est, puis tu vois toutes les images, tu vois toutes les scènes, tu vois tous les événements que moi, j'ai vus dans des comic books. OK. Chiaquite, merci pour le follow! Chiaquité! Oh, excusez, chiaquité. Check, Simon, il trouve, lui, justement, qu'ils ont trop sexualisé Harley Quinn. Ouais, mais moi aussi, je trouve de plus en plus, elle est beaucoup over-sexualisée. Ouais, ben, il y a ça aussi, mais, tu sais, comme dans quasiment le trois quarts du film, elle porte un manteau. Elle porte un petit jacket, là, un petit blazer de baseball. Ouais. Quand même. Puis, c'est comme je dis, au début du film, les costumes sont expliqués. Comme les costumes de la prêtresse sont expliqués aussi. OK. Puis le costume de Harley Quinn est expliqué aussi. Donc. C'est pour ça quand il monte le bas des fesses, là. Ouais, ben, c'est sûr que. Ben, c'est ça. Puis justement, là, Simon Edge qui parle du pole dancing. Elle fait un pole dancing avec une robe. Qui a cache au complet. Ah, ok, excusez. Puis, la robe, elle porte une robe qui a cache au complet, elle a quasiment même pas de décolleté. Ben, c'est vrai qu'elle a fait une danse, mais. Ils ont été capables quand même de l'oversexualité sans montrer son corps. Bof. Dans ses actions, dans ses gestes, dans son habitude de comment elle agit, peut-être. Ouais, ben moi j'ai pas trouvé. Qu'est-ce qui est over sexualisé chez Harley Quinn, c'est ses petites bobettes. C'est les tout. Les petites bobettes. On va en avoir beaucoup au Comic-Con. Ben il y en avait déjà là, sérieusement, au Comic-Con de Montréal, il y en avait déjà. J'ai hâte de voir jusqu'à où ça va se rendre. Ouais, mais c'est ça. Mais sinon là, les puis de Donald qui dit qu'elle est vraiment conne dans le film, elle est pas conne, elle est folle. C'est ça l'affaire. C'est que dans les comics, puis dans les émissions de télé, moi, je trouve qu'Harley Quinn, on la voyait pas tant que ça. Elle arrivait, là, puis elle faisait des petites niaiseries, puis elle s'en allait. Mais là, on la voit dans toutes les scènes du film. Puis elle est pas folle. Elle est pas conne, elle est folle. C'est vraiment l'exploitation de sa folie, là, qu'on voit. Puis tout le long, qu'on comprend pourquoi qu'elle est... Puis il y a même une scène où on la voit qu'elle est normale. Fait que c'est vraiment elle qui se laisse... qui se laisse faire d'être folle, si on veut, là. Mais il y a vraiment une scène où ce qui est sérieuse. Elle est avec Will Smith, puis elle est vraiment sérieuse. Ben, c'est comme là où il y a aussi Tumanesh, je sais pas si on peut le voir dans le film non plus, il dit, le Joker l'avant, genre, ouais, tu veux te la taper? Non, fais pas ça, c'est pas sa relation avec le Joker, Harley. Est-ce que tu te souviens de cette scène-là, toi? Oui, c'est au début. C'est la, au début, dans le fond, le Joker, il joue avec un gars qui vient, un gangster qui vient le voir pour faire une alliance. Mais le Joker s'allie jamais avec personne. Non, c'est ça. Fait que pour essayer de, moi je pense, en tout cas pour essayer de le rejeter ou de whatever, il essayait de le pogner sur un sujet. Puis le gangster, il avait mentionné qu'il était chanceux d'avec sa femme parce qu'elle était vraiment belle puis tout ça. Fait qu'il a essayé d'y offrir. Puis quand Harley est arrivée, elle était super contente. Puis elle, c'est ça qu'elle voulait aussi. Puis là, après ça, le gangster, il a dit non, non, non, non. Il dit, je touche pas cette affaire. Fait que là, ils se sont choqués tous les deux parce qu'ils ont dit, ah, dans le fond, tu veux pas ma femme, fait qu'elle est pas assez bien pour toi. Fait qu'ils l'ont tué. Fait que, tu sais, c'est n'importe quoi qu'est-ce que le gars disait. Ces deux-là allaient leur virer. Fait que c'est l'exploitation de la folie. Tu sais, c'est pas. Parce qu'elle aurait jamais couché avec le gars, là. Mais check, quitté, comme elle dit, c'est vrai. Harley est normal, Harley est rendue folle. Ouais. Ben, c'est ça. je suis pas traumatisée. Mais c'est farlé, c'est tellement sexiste. mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est facile de dire, mettons, t'as pas vu le film ou t'as vu le film vite. C'est facile d'arriver. Moi, je l'ai pas vu, fait que je peux pas m'avancer non plus. Là. C'est je ça. Je le chat, puis... C'est ça. Mais comme je dis, moi, la seule affaire que j'ai à reprocher, là, c'est ses petites bobettes. Tu sais, c'est genre... Tu sais, il aurait pu y mettre des shirts plus grandes ou je sais pas quoi. Là, moi, j'ai pas compris le but des petites bobettes. Mais tout le long, le trois quarts... Greets from the Cro-Magan team. We have just sent you a free key for our game. Please check your mails. Winking face. Wow! Thanks! Merci! Wow! Mais c'est ça, fait que dans le fond, là, dans le fond, tout le trois quarts du film, elle a un petit jersey de volleyball sur son dos, puis elle est toute mouillée, son make-up, puis il est comme toute coulée. Puis sérieux, puis ses cheveux sont tous comme pognés en pain parce qu'ils sont mouillés. Fait que s'il y a des gens qui trouvent ça comme hyper sexy, moi... Mais c'est ça, fait que... Ah non, inquiétez-vous pas, les gars, là! On s'est dealé ça, nous autres, là! Inquiétez-vous pas! Ça l'est déjà arrivé à One Up, puis il y avait vraiment une clé de jeu. Pas vrai? Ouais! Ah! C'est nice. Mais le fait que c'est que c'est en anglais, fait que... C'est en anglais aussi. Ah, OK! Ben, en tout cas, à tes risques et périls. Ouais, c'est ça. T'es-tu game pour une pièce? Ouais, je sais pas. Mais c'est ça. Mais en tout cas, vous verrez. Là. Mais là, ils disent des emails. Je sais pas s'ils ont trouvé mon email. Là, mais... On a sûrement les emails de Twitch. Ah, OK, OK. Ah, oh, ouais. Sinon, ouais. Mais moi, j'ai pas vu le film. J'ai hâte de l'écouter. Ouais. Tout le monde autour de moi a dit qu'il était excellent. C'est sûr qu'il y a des petits accroches, mais il faut dire qu'il n'y a jamais aucun film qui est à 100% ce qu'on aurait aimé. Mais jusqu'à maintenant, je ne donnerais quand même pas à ce que j'ai su. Je pense pas que ça vaut 26% comme Rotten Tomato dit. Non, c'est ça. C'est vraiment du gros... Parce que moi, sur mon Facebook, là, j'ai plein de gens, là, mettons, qui sont dans le domaine un petit peu, puis qui disent « C'est quoi le but? T'sais, je comprends pas. Pourquoi est-ce que le monde bâche sur ce film-là? Je comprends zéro. » Moi, en plus... j'ai fait des études en littérature, fait que tout ce qui est construction narrative puis tout ça, c'est mon métier. Je trouve que le film il est bien construit de ce côté-là. Moi en plus j'ai fait une mineure en féminisme. Puis tu sais, je suis dans les publications, tu sais, je suis beaucoup les publications féministes, là, autopublications, puis etc. Il y a absolument rien, tu sais, c'est même pas ressorti nulle part. Si on parle vraiment là des références là dans le domaine, il y a absolument rien qui est sorti. Comme je dis, mon ami qui travaille pour CTV, qui fait des critiques de jeux, capote lui aussi, ne comprend pas. Je pense que il a publié comme 10 messages, 10 pamphlets qui dit qu'il comprend pas pourquoi que ça niaise à ce point-là. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis aussi, moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y avait pas de la violence gratuite pour rien. Okay. Puis, il n'y a pas de tu sais, il y a des... Non, moi, j'ai trouvé ça... moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis, dans le fond, tu sais, moi, je dis, ben, tu sais, si les gens se sentent bien embarqués dans la petite vague de snobisme de dire que le film est mauvais, je veux dire, tu sais, ils ont juste à. Tant mieux, là. Moi, je veux dire, si on regarde le film, il est bon. Tu sais, comme tantôt dans le chat, ça disait, je trouvais qu'il y avait trop de musique. Ben, justement, moi, c'est ça que j'ai adoré. Tu sais, à ce moment-là, il y a une différence, là, entre aussi, tu sais, on a nos goûts personnels. Puis il y a aussi d'avoir des arguments là aussi là. Fait que, parce que sinon si on regarde là, le film de Dragon Ball, ça c'est un flop. Ouh, j'allais voir au cinéma en plus. T'avais été le voir au cinéma? Ouais, j'étais le voir au cinéma. Oh mon dieu. Ouais, fait que c'est tout de mon côté pour la critique du film. Toi, est-ce que t'avais d'autres choses à rajouter? Non, c'est pas mal ça. Puis justement, en parlant de nouveautés, Animal Crossing New Leaf, je pense qu'il y a une update, hein? Oui! Tu sais, t'es pas contente, t'es comme... Ben, dans le fond, là, moi, je suis une grande fan de la franchise Animal Crossing. Quand le jeu il est sorti il y a quelques années, on parle de quoi, 3-4 ans maintenant? C'est-tu celle-là qu'on joue ensemble, ça? Ouais. Ok, c'est là que je volais tes fruits dans tes dans tes arbres, là! Puis, ouais, tout à fait. Puis, puis dans le fond, fait que c'est ça. Puis, quand on avait acheté le jeu au départ, ils nous avaient promis des tonnes de mises à jour. Puis là, on en a une, quoi, 5 ans plus tard. Donc, moi, j'étais un petit peu craintive. C'est le temps. C'est ça. Tu sais, j'étais un petit peu craintive à ce niveau-là. Il s'avère que... il s'avère que la mise à jour fait en sorte que c'est pour intégrer les Amiibo puis les cartes Amiibo. Fait que c'est-tu juste un coup de marketing, mais en tout cas, toutes les fans de la série Animal Crossing ont toujours voulu pouvoir avoir un moyen d'inviter des villageois qui aiment bien dans leur ville en faisant en pouvant les inviter puis en pouvant choisir qui qu'il y avait dans leur ville, ça a toujours été un atout. Fait que là, ils vont exploiter ça. Dans le fond, c'est ça qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir avoir les Amiibo qu'on a et les cartes Amiibo, on va pouvoir les passer dans notre jeu pour que le villageois vienne nous rendre visite. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va s'installer? Ça, on le sait pas encore. Et la mise à jour est prévue pour quelque part en 2017, là. C'est ça. Fait que là, c'est ça que je me dis. Nintendo a toujours été très, très, très, très vague avec le Animal Crossing. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi attendre si longtemps. Donc c'est ça. Est-ce que ça te ferait rejouer? Si je comprends bien, il faudrait que j'achète un Amiibo si je voudrais que tel villageois vienne dans ma ville, c'est ça? Ben, tu sais, que non, je veux absolument que tel villageois, sans avoir à attendre combien de temps, je sais pas, là, mais tu sais, des fois, ça peut prendre un certain temps avec que ce soit des nouvelles personnes qui rentrent et qui déménagent et tout. Mais il faudrait quand même que, disons que je veux tel villageois, le lama, ben il va falloir que je la jette pour l'avoir quand je veux. C'est ça? Ben oui et non, parce que tu peux. Parce que c'est pas toutes les Amiibo d'Animal Crossing qui existent, puis les cartes sont aléatoires. Fait que si tu dis, moi je veux la pieuvre dans ma ville, mais que tu l'as pas, faut que tu te fasses des amis ou que tu essayes de la pogner au hasard dans quelque chose. Moi, la seule affaire que je vois, c'est que moi, personnellement, j'ai mes cartes. J'ai des Amiibo, donc je vais essayer. Parce que présentement, les Amiibo qu'on peut acheter en plastique physique, c'est les personnages qui sont de base dans nos villages. Fait que là, c'est principalement les cartes qui vont nous servir. Fait que là, à ce moment-là, tu peux pas aller au magasin acheter juste une carte. Puis, anyways, pour avoir accès à ça, il faut avoir la nouvelle 3DS. Oui, ou acheter l'adaptateur. Est-ce que tu as essayé l'adaptateur, toi? Oui, moi j'avais l'adaptateur, puis après ça je me suis acheté le nouveau 3DS. Ça fonctionne super bien. Les deux fonctionnent, même l'adaptateur, t'as pas de problème avec? Oui. Ok. C'est sûr que moi ça pourrait être quelque chose. Mais c'est pas quelque chose qui ferait en sorte que j'aurais envie de revenir sur le jeu comme ça. Mais d'un autre côté, ça pourrait être quelque chose qui peut être intéressant pour ceux qui sont fans finis, là, qui veulent vraiment avoir tout. Tu sais, je vais être sur un trip que je vais jouer pendant une semaine consécutive, le soir, je vais changer l'heure de ma DS pour revenir au jour, tu sais. Puis, par la suite, je vais comme le lâcher pendant un an, puis mes personnages vont être tous fâchés après moi quand je vais y retourner. Fait que ce serait peut-être pas quelque chose qui serait bénéfique pour moi ou qui ferait en sorte que je pourrais revenir plus y jouer. Mais je pense aussi qu'il y avait pas juste ça, mais qu'il y avait des nouveaux objets, non? Des nouveaux objets? Ouais, ben dans le fond, c'est que ça, c'est automatique, là. Quand t'as un nouveau bonhomme dans ta ville, en gros, là, il vient avec son kit de stock. Okay. Donc, c'est pas quelque chose de plus, là, c'est quelque chose qui... Ok, c'est des plus, dans le fond, là. Ben, c'est ça, là, pour un joueur... Pour un joueur qui joue à Animal Crossing, ben dans le fond, nous, c'est comme évident que le bonhomme va venir avec son truc, là. OK. C'est sûr que moi, de mon côté, c'est ça, là. C'est tout ce que j'ai à dire à propos d'Animal Crossing. Toi, t'avais-tu d'autres choses? Non. Sinon, il y avait Nintendo aussi qui annonce un partenariat avec la chaîne de Yogurtland. Ça... Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'encore une fois, c'est uniquement aux États-Unis. C'est ça. Je trouve que Nintendo choisit leur partenariat assez bizarrement. Encore une fois, c'est juste aux États-Unis, c'est juste dans les grands centres. Quand Nintendo se promène pour faire essayer des jeux, c'est la même chose. C'est juste les gros, gros, gros centres, tu sais. Je trouve ça plate un peu. Je trouve ça plaisant, là. Tu sais, c'est ça. Fait que, voilà. Toi, mettons que t'en aurais à côté de toi, est-ce que t'en prendrais? Non. Puis c'est comme, les gens essayent beaucoup d'utiliser les personnages de Nintendo et tout pour faire de la publicité pour vendre encore plus, mais je pense pas que ça va être quelque chose qui va vendre plus. Ouais. Puis aussi, si on regarde ça, pour notre autre nouvelle, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont joué à No Man's Sky? Parce que moi, c'est un jeu qui a l'air intéressant, mais 80$, j'ai un peu peur. Puis juste avant ça, il y avait eu, vous l'avez sûrement entendu parler sur Twitter et partout, la bataille pour devoir changer le nom parce que le mot était utilisé, le mot Sky. Ouais. Ben, dans le fond, mon Dieu, c'est juste moi qui parle, vous allez me trouver fatiguante. Ben, j'ai beaucoup parlé, là. Ouais. Mais en passant, ça a l'air qu'on m'entend en double. Peut-être que tu serais mieux de mettre tes écouteurs parce que est-ce qu'ils m'entendent sur les haut-parleurs ou. Pourtant, je le sais pas, mais. Pourtant, on l'aurait su au début parce que là, dans le fond. Ben, j'ai du monde qui me whisper pour ça. C'est pour ça qu'ils me disent parce que présentement, on m'entend comme en double. Ok. Ok, là, j'ai essayé un nouveau truc. J'essaie un nouveau setting, fait que vous me direz si ça marche. Pour ce qui est de No Man's Sky, en fait... On entend l'écho. On entend l'écho, ok. Bon, ben, je vais attendre avec le délai, fait que je vais continuer à parler. Dans le fond, pour ce qui est de No Man's Sky, c'est que on est allé... y a une compagnie qui les a traînés en cours, parce qu'ils l'ont pas eu facile, eux autres, en plus. Là, ils ont eu des menaces de mort parce qu'ils ont retardé leur sortie de jeu, puis là, ça finissait plus. Il y a une compagnie britannique qui s'appelle Sky, qui les a traînés en justice, puis qui est reconnue pour traîner en justice comme pas mal tout le monde. Fait que ça s'est demandé, c'est-tu des... Non, c'est vrai. Ben pas tout le monde, mais ils sont reconnus pour faire des procédures judiciaires abusives un peu. Donc, tu sais, comme tout le monde, on savait en partant, bon, ok, c'est encore eux autres qui recommencent. Donc voilà, ils voulaient faire enlever, ils voulaient que No Man's Sky change de nom, parce qu'ils disaient que ça allait confondre les gens avec le nom de leur compagnie à eux, qui est Sky uniquement. Puis ils voulaient, dans le fond, eux autres, ils se réclamaient possesseurs du mot Sky. Fait que là, ça aurait voulu dire que toutes les compagnies dans le monde entier qui avaient Sky dans leur nom, mettons, t'as une compagnie, là, puis là, t'appelles ça Skydive Adventure, whatever. Excusez, whatever. Ça aurait jamais fonctionné. Fait que ça avait juste comme pas de bon sens. Puis c'était à se demander si c'était pas un coup de pub. Puis... Apparemment, en passant, juste le fait, là, qu'ils m'entendent beaucoup moins bien, c'est comme si je présentais à la face d'un oreiller. Bon. C'est de mettre comme tantôt, mais avec des écouteurs pour nous entendre en double. Bon. D'accord. C'est la meilleure qualité, oui, c'est parce qu'en plus, vu qu'on met ça en style podcast sur Internet, seulement la voix, on va essayer d'avoir la meilleure qualité vocale aussi. Oui, mais moi, qu'est-ce que je veux dire, là, c'est que vous êtes toutes des tapons de ne pas nous l'avoir dit au début. Wow! Moi, je vous aime pareil. www.twitch.tv, ça j'aime les gaming. Ah, mon Dieu! Je reviens. Donc c'est ça, on va faire une petite pause de problèmes techniques, de filage. Parce que moi je vais poser un fil, je vais prendre mes écouteurs avec des fils. Fait que là, personne ne va pouvoir rien dire. Ah ah ah ah. Espérance que c'est le bon fil, mais non. Ça devrait. Ok. Là, ça devrait marcher. Fait que. Ok, on va essayer. 1, 2, 1, 2. Mais je pense que je m'entends encore, là. Ouais? Ok, attends un peu. Ouais. Là, ça devrait être correct. Est-ce que tu veux parler? Chiakité qui vote un kimono partout. Bon, fait que... Plus fort, Anne. Hey, hey, hey! Salut, PJ Stick! Ben là, moi, je peux pas monter ton volume, en fait. Donc, baisse. Oh, wow! On n'entend pas du tout Anne. C'est merveilleux. En plus de ça, pour les problèmes de son, faut tout le temps refaire un. Faut refaire Ok. Ouais, c'est ça. Faut pouvoir restarter le stream et tout. Quand tu changes les paramètres audio dans OBS normal, tu dois restarter le stream. Ben oui. Ben peut-être que toi c'est différent parce que tu as une console audio. Mais c'est comme ça. Puis mes. Ah, c'est parce que mes speakers t'as même pas on. Ouais, on est obligé de restarter le stream. Ta-ta-ta-ta. Tout. On va tester ça. Bon. Puis toi, tu parles un petit peu, voir si on a un écho. Un, deux, un, deux, un, deux. Est-ce que tu t'entends? J'ai pas entendu sur le live, là, mais on va voir ce que les gens, s'ils m'entendent. Ok. Oh oui, ils m'entendent, je pense. Ok, c'est ça, fallait juste resetter, là. Fait que là, est-ce qu'on entend la belle voix de Anne, là, qui est pas Enfin, on m'entend à grichée, puis 100%. Tout est beau. le son est parfait, c'est... Ok, bon, fait que, guys, on scrape tout, on recommence le podcast depuis le début. Oh! Bon, fait que où est-ce qu'on était rendu là? T'avais-tu fini toi de ton côté? Je pense que oui, t'avais fini avec No Man's Sky, hein? Ouais. Moi, je t'ai rendu à la sortie du livre Metroid. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont joué à Metroid? Vous savez, la belle Samus avec le Data Suit. Peut-être qu'au 4, ça va être Waouh, Madame Zoom! Sinon, vous savez, moi, ça me rappelle, ils vont justement sortir un livre qui est dédié à Metroid pour les 30 ans de la saga. Ça me fait beaucoup penser justement aux livres qui ont sorti avec Zelda. À propos de l'historique, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Justement, ils vont montrer aussi qu'est-ce que ses habits et tout. C'est vraiment une édition de 300 pages pour connaître la série depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va même voir des secrets de développement, les processus, les choix de marketing. C'est vraiment toutes des informations qui vont être intéressantes pour ceux qui sont fans de la série. Ça, d'après moi, ça pourrait être intéressant parce qu'en plus, il va y avoir deux éditions. L'édition simple avec la couverture ça, qui est souple, là, dans le fond, est un peu moins cher. Mais pour environ. Ben moi, j'ai le prix en euros, OK? C'est 24,90 Oh, ça va être 2 500 $ canadiens. Ça ressemble à ça. Sinon, il y a aussi une édition qui va être collector numéroté, donc une édition de collection à 34,90 euros, environ 10 euros de plus. Qu'est-ce que ça donne de plus? C'est que vous avez un fourreau en carton exclusif avec l'histoire de Metroid en couverture. Il est cartonné, rigide, avec même le certificat d'authenticité qui nous prouve que c'est un des seuls que vous avez, que c'est un objet rare de collection. Est-ce que vous, ça va vous intéresser de l'acheter? Toi, est-ce que c'est un jeu? Je pense que tu dis que tu n'aimais pas trop ça, Metroid, hein? Ben, c'est parce que ça a l'air que moi, ce que j'entends dire, c'est que c'est un jeu super assez difficile à jouer. Également, c'est un jeu qui est quand même. Ben, moi, tout le monde que je connais qui aime le jeu, c'est des gens qui ont joué à la franchise, ben, qui jouent à la franchise depuis des années. Moi, j'ai jamais joué de ma vie, puis c'est pas quelque chose que j'ai un intérêt vraiment, là, dans le fond. C'est juste ça, un manque d'intérêt. Uniquement. Donc. Ben moi, c'est sûr que j'ai pas tant joué au point d'acheter le livre comme je l'ai eu avec celui-là de Legend of Zelda. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a la petite option de rareté avec le certificat d'authenticité qui est intéressante. Là, ça paraît Ouais. nono, mais pour les collectionneurs, ça peut être quelque chose qui va valoir cher. Sinon aussi, c'est toujours le fun de savoir ce qui s'est passé en arrière. Je dirais peut-être pas, comme je vous dis, jusqu'à l'acheter, mais j'aimerais ça le feuilleter parce qu'il va sûrement avoir des hearts puis plein d'affaires qui vont être vraiment nice. J'ai joué un petit peu aux anciens, tu sais, dans le temps que c'était pixelé et tout, mais c'est pas plus que ça, là. J'ai vu aussi un petit peu, je me sais plus c'est quelle console. Si je me trompe pas, c'était au GameCube. Il y en avait un où est-ce que justement il fallait scanner un peu tout. C'est vraiment, il y a beaucoup d'exploration en plus au travers à celui-là que j'ai joué, que j'ai trouvé intéressant. Fait que, C'est un petit jeu qui est vraiment... D'après moi, c'est un livre qui va être vraiment intéressant pour les fans de la collection, de la série. Ouais. Ben, je sais que si je prends, par exemple, No Man's Sky, c'est propose un visuel que je trouve vraiment intéressant. Donc, même si j'y joue pas, je pense que je serais intéressant de me procurer des trucs de la franchise quand même. Fait que ça peut quand même avoir cet aspect-là, le livre. Ben, justement, en parlant de No Man's Sky, ça, c'est justement le jeu que j'aimerais peut-être essayer le mois prochain. J'ai vu tantôt que le CTU disait qu'il est plus capable de lâcher le temps passé. C'était fou. C'est un jeu qui a de l'air intéressant pour ceux qui aiment l'exploration, à ce que j'ai vu. Moi, c'est le contraire. Tu vois, on me dit que c'est pour les gens qui aiment le survival. Ben, c'est un mélange des deux. Ouais. Parce que faut survivre et tout, parce que toutes les planètes vont être influencées. Par exemple, s'il y a un ciel vert, c'est influencé parce que le temps de stratosphère avec tant de tu sais, c'est vraiment... j'ai vu ça dans une vidéo qu'ils ont fait à propos du jeu. Puis tout est calculé, là. C'est vraiment fou. Puis si une planète a tel type d'eau, tel type de bibitte, tel type de matière qu'on peut recycler, ça va être vraiment, mais vraiment quelque chose qui est, oui, de survie, mais beaucoup, beaucoup, selon moi, de recherche pour pouvoir construire des trucs, etc. J'ai hâte de voir ça. C'est sûr que... c'est ça, un petit côté bac à sable, comme Binek dit. Par contre, pour 80$, est-ce que je suis prête à acheter un jeu que je suis pas certaine? Peut-être pas encore. Ouais. Ah, merci pour le host, Majestic. Ulcity a dit, il y a des planètes toxiques, il y en a d'autres qui font où ce qui fait froid, fait que c'est vraiment tout influencé. Fait que dans le fond, tu dois absolument te dépêcher de collecter tes trucs pour pouvoir survivre, finalement. Pas nécessairement, non. Là. C'est juste, essaye de... si tu sais que la planète est toxique, tu restes pas là longtemps, là. Ouais, j'avoue. Parce que, ben, moi, qu'est-ce qui me fait peur un petit peu, c'est que c'est, ben, pour moi, là, je suis pas très première personne ni survival, donc ça, c'est ça qui m'arrête un peu. Sinon, pour ce qui est du 80$, moi, je trouve que c'est justifié parce que le jeu, il est comme infini. Ben, il paraît qu'il y a juste 30 heures, finalement, de gameplay, mais tu peux quand même l'effet bac à sable fouiller partout, là. Ben, juste, c'est beaucoup, 30 heures. C'est ça, mais... tu sais, si moi, je comparais ça à Fallout 4... Ouais. Je connais des gens, moi, là, qui se continuent à se promener dans le monde, malgré que tout est mort, que tout est fait. Il y a toujours des petits trucs qui vont respawner. Fait que, mais ils continuent quand même. Fait que moi, je me dis, c'est quand même intéressant, là, pour ça, là. Ouais, gars, comme elle sait-tu, il dit aussi pas tant que ça. C'est pas comme dans Ark ou The Forest, où ce que tu vas crever si tu fais rien pendant 5 minutes, là. Ah, OK. Fait que c'est quand même... moi, je trouve ça bien. Puis, mais c'est sûr que, ben comme tu dis, avant d'investir, c'est... Ben, tu sais, comme mettons, moi, je prendrais un risque avec ce jeu-là s'il serait à 40$, mettons, ou 20$. Ben, c'est ça. Ben, mais moi, là... j'irais jusqu'à 40$ pour ce jeu-là. Okay. Sachant qu'il y a 30 heures de jeu, 40$, je pense que c'est abordable. Mais pour 80$, peut-être pas encore. Ouais, ben c'est ça. Moi, personnellement, je vais attendre de voir plusieurs gameplays avant de me le procurer, ça, c'est sûr. Ben, dans le fond... n'importe quel jeu à 80$ plus les taxes, là, je vais attendre de voir pas mal de gameplay pour être certaine de mon achat. Ben, c'est ça, pour pas prendre de chance. Aujourd'hui, ouais. Les jeux sont tellement... sont quand même assez dispendieux, fait que... Non, c'est ça. Puis je pense que les jeux qu'on est sûr de pas se tromper, ça va être les Mario, puis tu sais, ces affaires-là, là, que t'achètes ça, puis que tu penses même pas 2 secondes, tu sais que tu achètes ça, tu vas avoir du fun. Mais ça dépend aussi de ce que les personnes aiment aussi. Là, comme ouais. Par exemple, moi j'ai acheté Until Dawn sur un coup de tête parce que je savais que j'adorais ce jeu-là, le jeu d'horreur, les choix, ouais. J'étais déjà vendu. Mais encore une fois, on avait eu un débat, est-ce que ça valait 80$ pour les 10 heures de jeu, mettons? Ben, mais tu sais, rendu là, c'est chacun, ouais. c'est encore une fois des goûts, là, comme si, je sais-tu, il dit qu'il a trippé toute la journée, mais je sais que OneUp, peut-être qu'il tripperait un peu moins, c'est... Ouais, c'est ça. Puis là, Binet, il dit qu'il achète jamais les jeux neufs, il attend que ça baisse... Puis, mais c'est ça, mais moi, qu'est-ce que je fais, c'est que, mettons, je vais les acheter neufs, puis quand, mettons, finalement, je les aime pas ou que je les ai passés, je vais les revendre. Parce que j'achète toujours physique pour ça. Puis des fois même, il y a des boutiques que tu rapportes le jeu, mais que si t'en achètes un en même temps, ben, tu peux quasiment comme faire l'échange. Tu sais, tu as juste comme un 10$ à donner. Fait que tu peux tout le temps comme échanger tes jeux. Moi, je vais parler, mettons, des boutiques régionales que j'ai dans mon coin, là. Je sais que EB Games offre une affaire comme ça, si t'es membre, je sais plus quelle couleur, là, tu peux retourner un jeu dans la même semaine, puis t'en as un autre, ouais. Si t'es un membre full, je sais pas quoi, là. Donc, donc c'est ça, fait que, mais c'est, moi, c'est ma façon de faire. Puis également, tous les vendredis, Best Buy propose quand même des bons rabais sur les jeux. Et Amazon aussi. Donc, comme là, j'ai eu Ratchet & Clank à 30$. J'ai eu Bloodborne à 20$. Donc, c'est quand même intéressant. Ben, c'est sûr, ça vaut la peine. Mais moi, c'est juste que mon problème, par exemple, je les achète toujours en copie, pas physique. Digital, là, c'est ça. Donc, c'est un petit peu plus dur pour le remboursement ou pour des échanges, mais je sauve les taxes sur PlayStation. Ouais, mais par contre, ta PlayStation, elle explose pas du manque de place. Moi, j'ai déjà fait de place. Ben, je supprime les jeux que je joue pas anyways, puis je retélécharge après, tant que ça n'efface pas mes sauvegardes. Bonjour, Fanfan! Oh, gentil. Bisous du Québec! Puis, sinon, moi, je voulais faire... Ben, est-ce que tu voulais faire ta critique de Layer of Fear puis on passait la vidéo? Non, mais moi, c'était correct. Je l'avais-tu mis, le jeu, Layer of Fear? Non, t'en avais pas parlé. C'est genre, on a pas fait la vidéo. Ouais, je pensais ça. Je pensais même pas le faire, finalement. Mais je peux en parler, là. C'est correct. Ben, de toute façon, j'y ai joué. J'ai joué pendant environ, je te dirais, 2 heures. Si tu veux, tu peux mettre aussi le vidéo avant, puis par la suite, on pourra leur expliquer. On va vous montrer le vidéo, par la suite, je vais vous dire qu'est-ce que c'est le jeu. C'est la suite de Layer of Fear, c'est le DLC. Ouais. Is this the real... The little girl in red was walking through the woods, when suddenly, out of nowhere... Be careful, little girl. The big bad wolf sneered. You're in fantasy land, where things ain't what they seem. Oh, shush, you big old meanie. You're the only threat in this wonderful land. With my magic crayons, I can do no harm. I can make the trees yellow, turn them upside down, turn grass into candy, said the little girl. You do have the power to do what you will. Alas, I humbly urge you to practice restraint, for you are responsible for what you create. You're nasty, jealous, and mean. I just want to have fun, and you want me to learn. You lack scale and perspective, my sweet little child. Voilà, vous avez vu le beau, la belle bande-annonce en anglais avec des belles publicités. Fait que, justement, ce jeu-là, c'est Layers of Fear. C'est le DLC, la suite. Il s'appelle Inheritance. C'est l'histoire, vous connaissez l'histoire de base où est-ce que c'est un peintre qui devient un peu fou au fil du temps. Puis vous connaissez un peu l'histoire dans le premier. Vous le voyez qui sombre dans la folie où est-ce qu'on a des objets à récolter, à voir pour que l'histoire avance. Tandis que le DLC qui est Inheritance, c'est l'histoire du petit enfant. Donc vous voyez comme à la vue d'un enfant vraiment bas, vraiment comme si vous êtes tout petit. Puis vous trouvez par exemple à un moment donné un petit change-ouet, il faut essayer de trouver la roue pour avancer dans les ténèbres pour pas que les ténèbres te tuent parce qu'il fait de la lumière. Tu connais puis ce que j'ai trouvé cool, par exemple, de ce DLC-là, c'est que, oui, c'est un DLC qui est supposément horreur, mais il n'y a pas nécessairement de sang, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de nudité, rien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup des sauts qui nous font faire, mais sonores, parce que c'est pas aussi stressant que le premier, je peux vous dire, parce que le premier était à la limite du, excusez-moi l'expression, mais glauque, tandis que celui-là est beaucoup plus où est-ce qu'on fait des jump scares, par exemple, avec un... À un moment donné, je vous le dis rapidement, là, j'ai fait justement un highlight de ça. Il y a comme un chien qui passe en avant de moi, puis je fais tellement une crise de cœur, je m'attends pas à ça. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est un petit DLC, c'est 5$, ça vaut la peine. Mais il y a un truc, par exemple, que j'ai moins aimé, c'était beaucoup embrouillé. Il y avait comme de la brume un peu partout pour donner un effet plus dans les souvenirs et tout. Mais moi, je trouve que c'est un peu un turn-off parce que j'aurais aimé mieux que ce soit plus clair et tout. Je m'aurais senti plus dans l'ambiance que d'essayer de trouver les portes avec un personnage qui est comme haut comme 3 pommes. Là, c'est pas trop évident de trouver la poignée. Mais sinon, je trouve qu'en tant que tel, c'est quand même un jeu que je donne au moins 7.5 sur 10. J'y ai joué pendant, comme je vous dis, environ 2 heures. Je savais pas quoi faire pour le terminer parce qu'il faut trouver des objets pour que ça avance. Mais je pense que mon stream était tanné un peu et tout. Fait que je me disais comme ça va être assez. Puis sinon, ça vaut la peine pour 5$. Là. Si vous voulez faire un petit jeu qui va vous donner des sauts et tout, c'est une bonne option. Là. Puis l'histoire est quand même cool. Puis toi, tu l'as fait en combien de temps? 2 heures environ. OK. Est-ce que tu penses que c'est le temps comme de tout le monde ou... Je c'est... sais pas. Okay. J'ai vu que les gens, c'est environ ça, 2 heures qu'ils ont fait. Ah, OK. Ah, oh, mais c'est quand même pas pire, là, pour le prix. 7.5 sur 8. Non. Sur 10. Puis sinon, moi, c'était... Ah, oui! Moi, dans le fond, je voulais faire ma critique mensuelle, c'était sur Uncharted, j'en ai parlé, Uncharted 4, j'en ai parlé un petit peu au début quand j'ai dit que c'est le jeu que j'ai joué, j'ai dit que je l'avais aimé. Finalement, c'est moi, qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup? Ben, beaucoup de gens font la comparaison avec Tomb Raider. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que c'est axé sur l'histoire. Moi, je trouve que Uncharted, finalement, est plus axé sur l'histoire que Lara Croft. C'est peut-être mon goût personnel à moi, parce que quand je joue à Lara Croft, je veux savoir pourquoi qu'elle fait ça, pourquoi qu'elle porte ça, pourquoi qu'elle fait ce choix-là. Puis, on est plus dans l'action, je trouve. Tandis qu'avec Uncharted, à chaque fois que je me pose une genre de question, j'ai la réponse dans le jeu. Donc, c'est pas... pour moi, ça m'intéresse un petit peu plus. Aussi, quand je joue à Tomb Raider, les scènes de mort, là, parce qu'on s'entend que moi, je meurs souvent. quand on meurt, surtout dans Tomb Raider, le premier, là, quand on meurt, la scène de mort, dans le fond, qui, on s'entend, cache un comment qu'on appelle ça? Voyons, j'ai un blanc. Qui cache le download, là, dans le fond, mm-hmm. pour que la scène... Le loading screen, dans le fond. Le loading screen, ouais. C'est... Mettons que, tu sais, je suis Lara, puis je saute sur une petite colline, mais là, tu sais, je suis juste poche, puis là, je meurs. Mais là, Lara, elle fout le camp dans un ravin, elle dégringole, elle s'assomme, tu vois qu'elle se casse les bras, puis après ça, elle arrive, puis elle se fait empaler sur des pieux. Tu sais, moi, je trouve ça comme un petit peu too much, là. Pis... Moi, je trouve ça drôle. Je trouve qu'on dirait qu'ils ont plus osé que d'habitude. Il me semble avant, c'était pas aussi intense. Ben, c'est ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime moins parce que quand je manque quelque chose, ben, je suis impatiente. Je veux me reprendre tout de suite. Puis là, je suis comme bombardée d'images de violence excessive ou je sais pas quoi. Mais toi, t'aimes pas ça en plus, ces images-là, hein? Ben, non. Comme en Far Cry avec les cannibales. Ouais, ben là. Non, les cannibales, ça, c'était parce que. À cette époque-là, il n'y avait pas... dans Far Cry, le cannibalisme est exploité comme si c'était quelque chose de commun quand ça ne l'était pas. Ça existait, mais ça ne l'était pas. Donc, c'est ça qui m'a un petit peu surprise. Mais en tout cas, mais par exemple, comme Uncharted, les scènes, c'est plus on retrouve PlayStation. C'est plus des quick time events, c'est plus des puis cette construction-là, cette différence-là, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais c'est pas quelque chose que je vais dire « Ah, je vais arrêter de jouer à Lara Croft pour jouer juste à Uncharted. » C'est pas ça du tout. C'est juste une note que j'aime un petit peu plus. J'adore également comment est-ce qu'on se promène dans les véhicules. Moi, j'ai de la difficulté. Ben, pas j'ai de la difficulté, j'aime pas bien les véhicules. Surtout les véhicules de Ubisoft, pour être honnête. Moi, je me dis, tant que ça bat Watch Dogs, je vais être heureuse. Watch Dogs, ouf! Ben, tu sais, il y a ça, là. Donc, et puis, dans Uncharted, le véhicule se contrôle à merveille. Tu l'utilises pour... T'as un treuil, tu l'utilises pour tirer des choses, puis tu... Moi j'ai adoré ça. Puis les graphiques, c'est juste super. Puis l'histoire également, je trouve qu'elle est bien construite, tout ça. C'est ça, c'est vraiment mon type de jeu, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, moi, ça m'a vraiment donné le goût de vouloir me lancer dans les autres d'avant. Puis là, je suis un peu triste parce que moi, je découvre la série avec Uncharted 4. Mm-hmm. Puis... L'épilogue à la fin nous laisse en tout cas, je vais pas le dire, mais nous laisse entendre qu'il y a peut-être une autre tournure d'événements qui va arriver. Fait que moi, je trouve ça plate un peu Parce que là, je découvre ça, mais si je me le fais enlever peut-être. Donc, ouais, ben Binet qui dit qu'il y a un peu de recyclage de mécanique dans le gameplay. On s'entend que moi, je suis nouvelle. Moi, si je regarde mes amis qui sont fans de la franchise, qui ont joué plusieurs fois au précédent, qui adorent la franchise, que quand ils ont vu la bande-annonce l'année passée puis l'année d'avant dans les E3, ils pleuraient quasiment de voir comment est-ce que Nathan Drake était rendu détaillé puis tout ça. C'est sûr que moi, c'est différent. Moi, j'arrive puis je suis baignée dans Uncharted 4 immédiatement. Donc c'est sûr que moi, j'ai un œil plus neuf. Comme moi, j'ai commencé les Assassin's Creed avec Assassin's Creed Syndicate. Donc, ouais. Il y a plein de choses que moi j'aimais, que les gens étaient comme « Ah, ben tu sais, moi je suis tannée de le voir, c'est recyclé. » Ben tu sais, je comprends si t'as joué à tout ce Ben c'est ce ça qui m'est arrivé là. Justement avec Assassin's Creed. J'ai fait les trois premiers, quatrième, j'étais tannée, j'ai plus jamais rejoué là. J'ai pas été capable d'accrocher aux autres parce que oui, l'histoire est bonne. Oui, c'est nice de sauter ces gens. Oui, c'est nice de monter dans dans les tours, etc. Mais je trouve que ça se ressemblait beaucoup. On dirait que le côté bateau m'a peut-être pas non plus attiré, fait que j'ai comme... En tout cas, j'ai de la difficulté quand c'est trop pareil, mais d'un autre côté, c'est la même série, c'est sûr qu'ils changeront pas à 100%, là. Ouais. Ben, c'est... Ben, moi, je peux donner un exemple avec Assassin's Creed. Moi, je le streamais, puis je suis rentre dans un building, puis moi, je rentre dans le building par le premier étage, par la porte, tu sais. Moi, je rentre. C'est pas une bonne idée. Non, il a fallu que je me batte, tu sais, avec du monde, puis des enfants de même. Puis un coup que j'avais tout clairé la place, il y avait du gaz là qui se remplissait dans le building. Puis moi j'avais fait tout qu'il demandait à ce qu'on brise des tuyaux. Mes tuyaux étaient tous brisés. Fait que là moi je comprenais pas, tu sais, le reste de la séquence voulait pas s'enclencher. Mais là mes viewers me disent, Catherine, t'es dans un Assassin's Creed, tu dois toujours commencer par le haut puis finir par le bas. T'as fait le contraire. Ben juste à cause de tout ça. Ma progression était bloquée. Donc, il a fallu que je monte tout le building, que je le sorte, que je le rentre. Ah oh oui, il a fallu que tu recommences. Ouais. Ben, tu sais, dans l'autre sens, là. Ben, c'est ça. Il a fallu que je grimpe tout en haut, puis que je sorte par en haut, puis que je dis que je rentre, puis que je reste par en haut pour pouvoir ressortir. Parce que ça, je pouvais pas sortir. Mais moi, je sais, je suis nouvelle. Fait qu'on dirait que le Ubisoft s'est dit, ah, on le sait, nos joueurs. Hey, le moine, merci pour le follow. Bienvenue. Et on dirait que même Ubisoft s'est dit on le sait, nos fans, ils savent, faut toujours que tu commences par le début pour la fin. Donc on va, tu sais, puis mais c'est ça, fait que moi je me suis dit, moi je suis une nouvelle joueuse, puis là j'arrive, moi par en bas, tu sais, ça n'a pas marché. KFC Master Race, wow, bienvenue! Et donc c'est ça, fait que c'est juste ça que j'avais à dire dans le fond. Pour... Ben c'est ça, moi dans le fond j'ai c'est sûr que je vais embarquer dans les jeux parce que j'ai pour ce qui est de toutes les franchises, moi je vais être nouvelle dedans, tu sais. Parce que avant là, les Assassin's Creed, ils m'intéressaient pas tant que ça, ils m'attiraient pas tant que ça, fait que je jouais puis j'arrêtais après 5 heures de jeu. Tandis que Syndicate, j'ai embarqué dedans, mais tu sais, Syndicate c'est le dernier sorti, même chose pour Uncharted puis Lara Croft. Donc c'est sûr que pour moi, c'est nouveau, c'est tout frais. Ben, c'est sûr, moi, j'ai jamais essayé. J'ai juste essayé les anciens Uncharted, puis j'ai comme semi-continué, parce qu'on dirait que j'avais pas terminé, puis c'était pas quelque chose qui me donnait plus envie. J'étais beaucoup plus dans les jeux style horreur et gun et tout. Fait qu'on dirait que j'ai... Oui, c'est un jeu d'aventure qui était nice, mais dans le temps, j'avais pas autant accroché. Mais je vois aujourd'hui ce que c'est devenu, puis on dirait que je me suis dit, j'aurais dû me donner le petit coup pour pouvoir continuer, parce que je trouve ça nice, je trouve l'histoire semble vraiment intéressante. Puis en plus, je trouve qu'au lieu d'avoir accroché au début sur Assassin's Creed, j'aurais peut-être dû accrocher sur un jeu comme ça, que j'aurais moins ressenti la redondance des jeux. Pas des jeux, mais des de qu'est-ce qu'il faut faire, là. Ouais, c'est ça, c'est le premier était pénible, les fusillades finissaient plus. On dirait que le premier m'a comme bloqué un peu. Il t'a traumatisé à jamais. Mais tu sais, le par exemple aussi, qu'est-ce qu'il y a, c'est que moi, je me suis fait dire que ils ont sorti là, le Nathan Drake Collection, là, qui regroupe les trois premiers. Ça a l'air qu'il a été amélioré, point de vue visuel, mais point de vue de la mécanique de jeu également. OK. Donc, c'est sûr que là, à ce moment-là, les gens recommandent plus de jouer à cette version-là. Là. Mais, puis Fanfare qui parle qu'il a fait un épisode d'Assassin's Creed qui était une fille... Je pense que ça se passait comme à Cuba ou en Nouvelle-France. Ben, il y en avait un autre aussi que, justement, je me souviens qu'il avait streamé avec Marie Lost Girl puis Alex, justement, il y avait une fille qui pouvait prendre comme personnage. Oui, ça, c'est Syndicate. Ben, celle-là aussi, on peut. Puis, mais avant, ils ont sorti comme un épisode, c'est un DLC de je ne sais plus quel. Okay. Puis ça se passe en Nouvelle-France, je pense. Ouais. Ça, je sais pas pour les autres. Comme je dis, moi, j'ai arrêté après Dio. Ouais. J'ai fait, bon, t'as assez. Ouais. Sinon, ben, c'est ça. On arrive un petit peu à la fin du podcast. Ouais. On va parler de qu'est-ce qu'on va jouer, nous, le mois prochain. Ben, le prochain mois qui s'en vient. Jean-Lapierre, merci pour le follow. Je t'invite à suivre la chaîne Andy Gaming également. Merci. Oh mon Dieu, Epic Joystick nous l'a donné! C'est Libération! Adeline, oui, qui a Adeline. Ouais, c'est une femme noire ou une métisse. Ah! Il était originalement sur Vita, my God. On a un fan dans le chat. Donc, c'est ça. Donc, toi, le mois prochain, tu joues à quoi? Ben, je me disais que je vais peut-être essayer No Man's Sky, tout dépendant du prix. Je pense pas qu'il va descendre aussitôt, mais je vais quand même regarder. On sait jamais. Ouais. Pis toi? Moi, je vais jouer à Ratchet & Clank! Nice! Ouais, je suis une très grande fan de platformer, de jeux de plateforme. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Je connais pas du tout ça. J'ai même pas vu le film. Je connais pas ça pantoute. J'ai pas rien, là. Je veux dire, moi, je suis nouvelle là-dedans aussi. Puis, hey, bonjour Belé! Puis, c'est ça, fait que j'ai vraiment hâte de voir. Comme je disais aussi, je l'ai pogné en beau spécial chez Amazon. Donc, je suis très contente. Puis, c'est ça, comme je dis, c'est ça que je trouve spécial. C'est un jeu de plateforme sur PlayStation. Moi, dans ma tête, un jeu de plateforme, c'est Nintendo. Ben, il y en a d'autres aussi. Il y avait Rayman qui était sur PlayStation, qui était populaire. Ah, ben moi, Rayman, je l'ai joué sur Wii U. Donc, ouais, il l'avait sur toutes les consoles. Je me souviens, je travaillais chez Big Game, là, puis les gens me disaient « Est-ce que t'as des jeux de plateforme, là? J'ai un enfant et tout, puis je voudrais savoir est-ce que t'as un genre de Mario pour le PlayStation pour jouer avec mon enfant? » Ben, souvent, je recommandais ce jeu-là. Ah! Ah, ouais! Ben, moi... ben, c'est vrai, t'as pas tort. PlayStation offre aussi Little Big Planet. Oui, aussi, c'est vrai. C'est un platformer. Sinon, il y a aussi les Lego. Ben, les Lego, c'est ça. Les Lego sont toutes sur toutes les consoles. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Mais tu sais, comme dans le fond, Ratchet & Clank, c'était une comment qu'on dit, c'est vraiment une exclusivité qui est uniquement PlayStation. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que, c'est... En tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai pas vu beaucoup de gameplay sur Twitch, de gens qui l'ont streamé non plus. J'ai pas vu grand-chose. Fait que ça va vraiment être une belle découverte. Ça va être une nouveauté pour toi en même temps. Ouais, oh oui, j'ai hâte de voir. Je trouve ça super beau, puis je suis une fan. Puis le peu de ce que j'ai vu, je trouve que l'univers de Ratchet & Clank me fait penser à l'univers des trolls chez... dans WoW. Je sais pas. Pas des trolls, excuse-moi, des gobelins. Ça me rappelle vraiment les gobelins de WoW. Fait que c'est ça. Non. Oh my god, Fanfare, j'ai 43 ans et moi j'ai commencé sur l'ordi Commodore 64. Waouh! Que de souvenirs! Ouais. Donc, moi, c'est ça, là, pour ce que je vais faire. Ah, oh, je voulais lurker. Trop tard, Chippy! Oh non! C'est vraiment drôle. Mais c'est super gentil de venir nous dire un petit coucou dans le chat. C'est vraiment apprécié. Tada! Donc, moi, de mon côté, tout est fait, je vous ai dit ce que je vais faire ce mois-ci. Je vais peut-être aussi faire un peu... bon, c'est environ ça. Sérieusement, on dirait que je sais pas à l'avance à part No Man's Sky, ça, non. Ouais. Mais sinon, t'as commencé à faire un stream de créatif? Oui, j'ai commencé à faire un peu de créatif aussi. Je me suis amusée, justement, cette semaine. Parce que ce qui se passe, c'est que j'avais regardé souvent... il y avait... j'ai vu beaucoup d'anglais, j'ai vu aussi Pixelist Gaming, il y a Lost Gold qui en faisait. Je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient du pixel art, puis ça faisait longtemps que ça m'intéressait. Ça fait au moins un mois et demi que je t'en parle, je me dis « Ah, j'aimerais ça l'acheter, j'aimerais ça l'essayer ». Puis là, j'ai vu que le monde en faisait, puis j'ai vu aussi que, comme je disais, ça faisait longtemps que je suivais, par exemple. Je me disais « Puis c'est quoi son nom, Foxy, la fille, là, anglaise, que tu m'avais dit aussi que t'écoutais, là? » Ah oui, « Oh my God, it's Firefox ». Ouais, « Oh my God, it's Firefox ». C'est ça, elle a commencé. C'est trop nice. Ouais, elle, là, elle a commencé comme ça fait vraiment longtemps. Ouais. Puis quand que j'ai vu faire ça, au début, je me disais « Qu'est-ce qu'elle fait? C'est bien de la merde. » Puis... Ben, au début, ouais, mais après, quand tu vois ce que ça donne, t'es comme, waouh, c'est vraiment beau, tu peux accrocher ça et tout. Moi, je connaissais ça, moi, je pensais que ça s'appelait du hama, là, fait que je sais pas trop, mais moi, j'avais déjà vu des hamas déjà faits, dans le fond. OK. Dans le fond, moi, quand je voyais ça, je savais pas comment c'était fait nécessairement. Donc, là, quand je l'ai vu faire, j'ai fait « Mon Dieu, mais c'est ça, les trucs de pixels, c'est ça! » Fait que quand j'ai vu Omega de Firefox qu'il faisait, j'ai fait... Tu sais, j'ai finalement compris comment ça marchait. Puis c'est fou, là! Les gens adorent ça, faire ça. Puis moi, je trouve ça hyper relaxant à regarder, puis tout ça. Donc... Ben, regardez, par exemple, là... Alex Siri de mon Shy Guy, mais mon Shy Guy, une fois terminé, ça a donné ça comme c'est ça. Oh, il est super beau. Ils sont gros, les tiens, en plus. Ouais, j'ai fait vraiment huge. C'est comme toute ma main, genre. Ouais. J'ai fait aussi un Totoro, mais on le voit pas full parce qu'il est comme. Il gris, est beau. Il est tout comme joufflu. Oui. J'ai fait un Link. Parce que celui-là, sur ma chaîne, avec mes subscribers, il y a des gens qui s'inscrivent avec des bundles, puis je les en fais un de leur choix. Puis ça, je l'avais fait sur mon premier pour One Up, pour le fun, pour tester, là. Donc, c'est celui-là que j'ai fait à date, depuis que je les ai. Hey, mais sinon, là, tes subscribers, tu veux-tu dire comment ça fonctionne? Il y a plusieurs, il y a plus en plus de gens qui commencent à utiliser ça. Toi, ben, clairement, tu dois en penser du bien, vu que tu l'utilises. Ben, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup GameWiz parce que, par exemple, les gens peuvent m'encourager à leur façon, comme ils le veulent. Donc, je trouve que ça vaut la peine. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que, oui, c'est comme si je sais qu'ils vont me suivre, peu importe. T'sais, disons qu'ils me follow pendant un mois, deux mois, trois mois, que ce soit un mois, je trouve ça vraiment nice parce qu'en plus, moi, je peux leur redonner en échange. Un don, je fais seulement que streamer. Je veux dire, je peux pas... Tu sais, ils me donnent, disons, 20$. Je peux pas comme redonner en échange. Je me sens comme s'il n'y a pas de programme qui est là pour ça. Ouais. Tandis qu'avec GameWiz, je me sens comme si oui, tu me donnes 20$, mais moi aussi, je vais te redonner en échange. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve bien. Là. Ouais. Non, c'est ça. C'est super. Puis en plus, je pense que ça te permet de le modeler à ta façon. Ouais. Tu peux tout faire avec. Tu peux avoir le nombre de tiers que tu veux. Tu peux avoir... Ouais. Est-ce que tu apprécies plus ça que... mettons, être partenaire officiel ou... Ben, c'est sûr que c'est le rêve de tout le monde, là, ouais. D'être partenaire et tout, là, mais c'est quelque chose qui est assez difficile à obtenir au Québec. On peut dire que, justement, on peut les compter sur nos doigts de la main, là, ceux-là qui sont là. Fait que c'est pour ça que je me dis, oui, au fur et à mesure, c'est possible, mais je me dis, pour l'instant, si les gens, je veux leur redonner en échange, je trouve que c'est la meilleure option. Mmh. Ouais, non, t'as bien raison. Puis est-ce que tu prends des commandes, mettons, dans tes viewers ordinaires ou c'est réservé uniquement à tes subscribers? Ben, je prends aussi les commandes de mes viewers ordinaires. Pour 20$, je peux en faire un. Comme je vous dis, ils sont quand même assez gros. C'est, ouais. Ça prend quand environ 2 pages de longueur. Cool. Wow. Mmh. Ouais. Epic JC qui me demande si j'ai l'intention de le faire, si j'ai l'intention de faire du AMA ou si j'ai l'intention de faire du Game Wisp. Pour ce qui est du AMA, c'est sûr que moi, je trouve ça vraiment mignon. Ben donc, oui! Donc, j'aurais un petit projet personnel là, qui serait à faire. Au début, j'aurais aimé ça faire des soupes-là, mais on peut pas parce que ça a l'air que ça les fait trop chauffer. Oui, en effet. Fait qu'on peut pas s'en servir comme soupe-là. Ah, il me demande les deux. Bon, OK. Fait que j'étais déjà en train de répondre. Donc, c'est sûr que... parce que moi, j'aurais peut-être dans l'idée, pour présentement, de peut-être commencer un stream de bouffe. Donc, ça, c'est ça que je vais vérifier, si je suis capable de faire un stream dans ma cuisine. Puis, c'est ça, donc... il trouve que mes soupes-là, ça aurait été une bonne idée, mais c'est vrai, mais c'est ça qui est bien. Ben moi, je vais faire des sous-verres, moi, de mon côté, puis je lui dis « Oh non, ça va coller en dessous du verre, donc ça vaut pas la peine. » Ouais, mais il y a ça aussi, parce que dans le fond, la condensation va comme passer au travers aussi, donc... Ouais. Ben, c'est ça, mais de toute façon, c'est pas plus grave. Je sais que j'ai vu pas mal de barrettes, là, puis de trucs comme ça, c'est quand même bien, là. Ça, c'est ou des porte-clés, c'est vraiment nice aussi. Oui. J'aimerais ça d'en faire aussi, puis comme ça, ce serait plus facile, par exemple, d'en faire tirer à des personnes qui sont juste des viewers, qui sont pas abonnés, ni subscribers, puis tu sais, c'est tout petit, mais avec un petit porte-clés, c'est cute, puis tu peux envoyer ça par la poste, pas trop de frais d'envoi en plus, là. Ben oui, non, c'est ça, c'est une bonne idée. Puis sinon, pour Game Wisp, moi, dans le fond, je stream assez tranquillement. J'ai toujours un stream assez tranquille. J'ai pas... fait que je me vois mal un petit peu. Moi, je pense que le Game Wisp, il est plus réservé aux gens qui ont des grosses fanbases. Puis moi, j'ai toujours eu un super de bel accueil, que je sois sur Twitch, peu importe, j'ai un très bel accueil, ça, je dis pas pour ça. Mais par exemple, j'ai jamais été la plus grande côté statistique ou la plus grande côté interaction, puis des choses comme ça. Donc, c'est sûr que si j'avais plus d'interactions sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux, des choses comme ça, je verrais. S'il y a une demande aussi là dans mon chat, comme j'ai eu des demandes pour Mikuya, c'est pour ça que je l'ai installé. J'aime bien le concept, donc... Il y a ça que je verrais. Je pense que ça s'adresse plus à des gens qui ont des vraiment une communauté, un fanbase qui leur appartient. Mais moi, je me dis au contraire, ça pourrait peut-être faire en sorte que tu vas pouvoir avoir peut-être des personnes qui vont pouvoir se rajouter à ton fanbase. Là. Si, admettons, t'en as qui viennent souvent, puis que là, ils disent que t'en fais, admettons, t'es en train d'en faire un, puis ils le trouvent vraiment cute, ils pourraient dire, ben, hey, j'aimerais ça t'encourager, puis ils pourraient, tu sais. Ah, c'est sûr. Si je parle à ta chaîne, ça peut te rajouter aussi des gens, si tu peux le voir de ce côté-là aussi. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais aussi, comme si on regarde aussi comme Game Whiz pis tout, tu sais, toi, tu l'as mis à ta sauce. Si on regarde One Up, l'a mis à sa sauce aussi, lui, il va offrir des chansons. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça, moi, je me dis, j'ai rien à offrir, mais... Mais non, mais tu peux tellement inventer, là, il y a plein d'options que tu peux faire. Tu sais, Kira, il fait un petit dessin sur Paint, là, vraiment cute, là, tu sais, tu peux faire plein d'options. Mais c'est ça, c'est sûr. Puis c'est vrai, t'as raison. Dans le fond, on s'approprie nos concepts, on fait des trucs. Puis sinon, DJ VIP qui dit qu'on peut les protéger, les amas. Par exemple, moi je crois que ça... Ouais, mais moi je crois que ça va enlever du but de le faire. T'sais, le but, c'est que tu le fais, puis tu le fais fondre. Donc je me dis... Ça va être plate un peu si là, il faut que tu commences à mettre du vernis ou s'il faut que tu mets une couche protectrice en dessous ou s'il faut que tu... tu sais, c'est des choses comme ça, là. Donc, mais je trouve ça super bien parce que au début, moi, en tout cas, le hamas, je voyais ça juste dans les chaînes anglo. Je suis vraiment contente que ça ait traversé jusqu'ici. En franco, je trouve ça super. Ben, c'est justement, Pixelis Gaming, c'est ceux que j'ai vus en franco en premier, puis je te dis, ça va faire au moins 7-8 mois qu'ils en font, là, que j'ai vu qu'ils en faisaient. Fait que c'est pour ça que j'ai fait « Wow! » Genre, sont deux sur la chaîne. Je sais que le gars, lui, il faisait plus des jeux, tandis que sa copine, mais je pense que c'est sa copine, je m'avance un peu, là. elle était à côté. Ouais, elle était à côté, elle avait sa deuxième cam, puis elle faisait ça à côté. Je trouvais ça vraiment nice. Ah, oh, wow! C'est vraiment une belle idée. Ouais, puis Sense Bloody, pour la livraison, ben, c'est par la poste, là. C'est pas besoin de s'inquiéter. Regarde, tu peux plier ça puis ça brisera pas. Là. Je vais te montrer, là, gars. Je le plie, là, puis tu sais, j'envoie ça par la poste puis y a pas de problème, là. Ben, donc, c'est pas. Il plie pas, c'est le cas de le dire. Ben, tu sais, ça plie, mais tu sais, c'est pas à briser, là, gars. Tiens. Tu sais, je peux toutes les. Ouais. Parce fait que moi, au moins, ça brise pas. Ouais. Moi, j'avais vu ça plus quand j'étais plus jeune, là. Tu sais, on achetait ça au Walmart, là. Puis, tu sais, le monde, il faisait juste des dessins, tu sais, les petites filles, ils faisaient juste des dessins ordinaires. Puis, de faire des affaires en pixels avec, moi, je trouve ça... Bon, c'est nice! Pour nous, on est gamers, fait que pour nous, là, c'est cool, là. Ben, je trouve que ça fit aussi dans l'univers de Twitch, là. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, Twitch, ben, tu sais, tout c'est sur ton live, tu peux parler avec le monde, t'as de la belle musique, tu sais, t'es relax, c'est super le fun, là. Oh, oui. Oui, en effet, c'est solide, là. On n'a pas besoin de s'inquiéter avec ça. En plus, il y en a beaucoup aussi que j'ai vu qui les prenaient puis qui les mettaient dans des cadres puis qui s'imprimaient comme un arrière-plan, là. Fait que ça faisait comme si ton petit bonhomme était 3D, c'était vraiment nice. Ben oui, mon Dieu, il y a tellement de trucs à faire avec ça. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Ah, c'est super. Bon, fait que je pense que c'est ça qui va conclure notre super podcast épisode 3. 4! Ah ouais, parce que moi j'ai mon épisode... T'avais pas effacé tantôt, c'est pour ça. T'avais la date du 3 août, puis t'as écrit 3. Oui, je sais, mais c'est l'épisode 3. Ah, t'avais oublié de changer la date, dans le fond. Oui, j'avais oublié de changer la date, mais c'est notre troisième podcast. C'est vrai. Oui, notre premier, c'était notre premier. Notre deuxième, on a eu Madame Zoom. Ouais. Voilà, notre troisième, déjà. Donc, le quatrième, on devrait être correct avec notre son, là. espérons, là, cette fois-ci. Ouais. On pourra checker, anyways, pour voir qu'est-ce qu'il y a au pire pour faire des essais au début. Ou ben, on pourra checker rendu là, là. Ouais, c'est ça. Mais aussi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est de ma faute parce que dans le fond, moi, je suis revenue avec OBS ordinaire. Donc, c'est ça. C'était juste une erreur de nounounerie qui on est correct, là, dans le fond. Là. Bon. Ben, moi aussi, je voulais remercier tout le monde d'avoir été là ce soir pour les follow. Tout le monde que j'ai appelé avec mon Snapchat oui! et qui sont venus à la rescousse. Et Binek qui est toujours là. Sense Bloody, je suis vraiment contente de toutes vous avoir vues ce soir. Ben oui, puis merci. Ben moi, c'est la même chose là. Je vois quand même. Ben, merci pour les follow. Merci pour l'interaction dans le chat. C'est ça qu'on adore beaucoup. Le chat est vraiment axé sur ça. Vous avez une opinion, puis tout. On est là pour vous écouter, on est là pour vous lire. On a plein de monde, puis c'est super le fun. Fait qu'on espère vous voir. Comme on dit également, c'est un podcast qui est mensuel. Fait qu'on va se revoir le prochain. Dans le fond, c'est le premier mercredi de chaque mois. Donc, voilà. Fait qu'on espère vous revoir. Bon, merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Bye, Tipeee Dragoon. Bye, tout le monde.